On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Irmãos Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Carpe Negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h06 sur Radio Arc-en-Ciel et vous êtes avec Manu dans l'émission Descouverte. Et oui, comme tous les vendredis, on va passer 2 heures ensemble de 17h à 19h. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 novembre, et oui, déjà le mois de novembre, les vacances de Noël approchent. Alors un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, soit sur le 96.2 FM, mais aussi sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Et surtout, on approche du 5 novembre, le 5 novembre, c'est-à-dire demain, l'événement de Radio Arc-en-Ciel, le grand bal avec Radio Arc-en-Ciel, organisé par Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Capa Negra et surtout aux Irmãos Verdade pour la première fois sur Orléans. Donc n'oubliez pas, à partir de 21h. Alors bien sûr, sur place, il y aura une restauration rapide, hein, c'est-à-dire boissons, sandwich, moelles, plein de petits trucs comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir de bonne heure. Et justement, on va commencer tout de suite avec une chanson de Irmãos Verdade, c'est Isabella. Verdades, Isabelle. Donc n'oubliez pas, demain samedi 5 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, à partir de 21h, venez nous rejoindre en famille avec des amis, donc pour voir ces quatre artistes chanter sur scène pour la première fois sur Orléans. Et bien sûr, le bal sera animé par Capanegra. Et on poursuit tout de suite avec au Carl Spears et Mi Aldeia. Como se canta. é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que fazem, é sala de visitas do Minho.

perco tudo, perco a vida. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, ué, ué, ué, ué. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, ué, ué, ué, ué. Tu me fazes querer dançar. E quando mexes a cintura, eu não consigo controlar. Só pode ser macumba. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Faz assim, ué, ué, ué, ué. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Faz assim, ué. 96.2. La FM en couleur. Soirée, événement. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et l'on parle de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-d'En, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il mange verdad et le groupe Cap Negre pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdad et carte negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et oui, Jordaz, donc on retrouvera demain à la salle de Montition à partir de 21h à Saint-Jean-de-Blanc. Et là, et pas Jordaz, comment ça va? Oui, c'est bien vrai. Et donc, j'ai deux personnes qui viennent de, voilà, qui se sont incrustées, on va dire ça comme ça, là, dans le studio, et qui arrêtent pas de faire des petites âneries, là, pour me déconcentrer, là. Donc, ils vont se présenter, vous allez les reconnaître tout de suite. En tout cas, ils dansaient sur le son de la, ils étaient sur le, dans le strade, hein, c'est ça? Oh oui, non. Vous avez loupé quelque chose. Hein, c'est pas vrai, je dansais pas, j'essayais de me caler dans mon fauteuil. Parce j'ai que j'étais j'ai des preuves, j'ai des preuves. T'as rien du tout, oui. Donc voilà, nous avons notre ami Lionel, que vous connaissez tous, hein, Lionel du dimanche matin. Et vous nous avez aussi notre amie Sylvia, que vous connaissez aussi, qui fait une émission. La voix sage de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, du jeudi soir à partir de 18h. Donc voilà, présentez-vous, parlez. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller, là. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, c'est Sylvia, je représente la sagesse. Oh oui, faut le dire vite, hein. Faut le dire vite. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là avec Manu. Et moi de même. De temps en temps, ça se creuse. Non, mais ce qu'il faut, c'est bien. Au moins, comme ça, on peut, au lieu de mettre toujours que de la musique, et comme moi, il paraît que je suis une tombe, que je parle pas. Comment ça? Si, on me dit qu'on t'entend fait, pas. Toi, tu aimes bien parler quand il y a du monde. Donc, je passe l'annonce. Manu, il aime bien quand il y a du monde qui vient à son émission parce qu'il les invite. Donc, venez lui rendre visite le vendredi. Il aime bien avoir du monde. Non. Du monde, il y en a toujours le vendredi ici. De toute façon, le vendredi, il y a toujours du monde là. Mais c'est pas un problème. Oui, les gens, ils peuvent passer quand ils veulent ici. Pas spécialement quand il y a Manu dans l'émission, mais même dans les autres émissions aussi. D'ailleurs, on est ravis, hein, dans ce voilà, moment. Si, hein, ça fait plaisir. S'il y a des gens qui ont des préférences pour certaines émissions et qui veulent voir qui est de l'autre côté du micro, ils peuvent venir ce jour-là. La porte leur est ouverte et l'animateur en place se fera un plaisir de les accueillir, quoi. Donc voilà, vous les connaissez bien, donc Lionel et Sylvia qui sont là. Manu aux manettes. Hein. Et Manu qui est de l'autre côté, voilà. Et qui sont là pour parler justement de l'événement de demain. C'est déjà demain, oui. Demain, on va danser, on va applaudir, hein. On sera là pour vous accueillir avec notre bonne humeur, notre sourire. Donc voilà, on a voulu changer un petit peu de style et apparemment ça beaucoup de gens appellent. Tout à l'heure juste avant de vous parler, j'avais encore eu un coup de téléphone, il y a des gens qui appelaient pour se renseigner, l'heure, tout ça quoi. Et il y a beaucoup c'est d'appels. Nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau, ça fait oui. Du bien et c'est vrai que c'est un groupe qui est connu quand même depuis quelques années, hein. Dites-nous les artistes que vous voudrez voir sur Orléans. C'est vrai. Ah oui, voilà, ils peuvent. Bon après il y a des artistes qu'on peut pas parce que le budget il est trop élevé, hein. Mais on fera du mieux qu'on peut, de toute façon, pour satisfaire les gens. Mais je pense que jusqu'à maintenant, tous ceux qu'on a emmenés, il y a aussi certains. C'est vrai que c'est pas simple de faire plaisir à tout le monde, hein. On shoot, par exemple. À un moment, on était dessus. On a commencé à regarder, hein, pour ça, hein. Mais ça sort un petit peu. Ah si, parce que si on avait assez de sponsors, parce que là, déjà, aussi, un truc qu'il faut pas oublier, c'est remercier nos sponsors. Ah oui, là, ils sont là parce qu'on a... Là, ils sont là parce qu'on a eu des bons sponsors qui nous aident. Et c'est grâce à eux qu'on fait venir, justement, des groupes comme ça. Parce que sans les sponsors, faut dire ce qui est vrai, c'est pratiquement, je veux dire, impossible de perdre de l'argent. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous nos sponsors et nos bénévoles aussi qui sont là pour nous aider. Donc, les remerciements, on leur fera, justement, on fera un petit mot de remerciement juste après notre balle. Ben, justement, Manu, on va s'adresser à nos auditeurs et n'oubliez pas que vous pouvez devenir adhérent. Et c'est l'occasion, justement, au moment du bal. Tout à fait. Et s'ils deviennent adhérents ce jour-là, on peut leur faire, on peut tenir compte de la remise des 2 euros parce que les adhérents, c'est 10 euros. Et les gens qui seront adhérents ce jour-là, peut-être pas ce jour-là parce que ça va être compliqué. C'est pas 10 euros, Manu, l'adhérent. Non, le bal, l'entrée du bal. L'entrée du bal. Les gens qui deviennent adhérents ce soir-là, on leur fera... J'ai compris, adhérents, tu parlais des adhérents. Voilà, on pourra leur faire une... voilà. Par contre, voilà, comme on disait, devenir adhérent, c'est 20 euros par an. Par an, c'est en pas... En fait, pour nous, ça fait pas beaucoup, mais pour ça la fait radio... combien de centimes pour par la radio, jour voilà, pour la radio, c'est un geste qui c'est est 1,50 par mois. 1,50 par mois. Voilà, c'est un geste qui n'est pas énorme, mais pour la radio, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on devient adhérent et on en a besoin parce que c'est aussi grâce à ça que la radio, elle existe. Donc voilà, pensez à devenir justement le jour, c'est le jour idéal pour devenir adhérent. Comme ça, pour le prochain bal qui, normalement, si tout va bien, c'est en février. Ça sera en février et ils bénéficieront d'une remise. Et puis il y a la galette qui est offerte à tous les adhérents qui est en fin janvier souvent. Dans notre petite salle. Voilà, notre petite, voilà. Donc oui, c'est aussi qu'ils veulent louer la salle. Ils ont les adhérents ont une remise aussi. Donc voilà, on va pas parler que ça, on va revenir après, on va écouter un petit peu de musique. On va parler de notre bal, hein. Soyez nombreux. Faites passer le message aussi à vos amis, ceux qui savent pas. Ceux qui sont loin, qui écoutent pas des fois la radio, et puis voilà, ouais. Oui, puis c'est aussi l'occasion quand les gens ils viennent comme ça au bal, c'est un petit peu l'occasion de nous rencontrer nous, les gens de la radio, parce que c'est vrai que les gens des fois ne savent pas qui on est. Hein. Ils ont pas un visage devant l'émission qu'ils écoutent, exactement. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien, qui ont leur émission, et ils savent pas c'est qui est derrière. Bah, moi, il m'est arrivé un truc au Portugal cette année. J'étais dans. Oui, mais Lionel, c'est différent. Lionel, non, c'est non, notre star. Écoute, c'est... ouais, Lionel, lui, qui le connaît pas, qui le connaît. Pas. J'étais dans un supermarché, hein, je ne vais pas dire le nom, et puis j'étais en train de choisir un melon. Et puis avec ma femme, j'ai parlé, il y a des gens qui sont passés qui m'ont entendu. À la voix, ils m'ont reconnu. Et il a été voir sa femme, il a dit c'est pas Lionel. Lionel de la radio. Et ils sont venus me voir pour me demander. Ce... T'as signé un autographe. Je suis même pas étonné, en fait. Mais reconnaissant. Bien sûr. Il y a des gens qui reconnaissent les voix. À défaut de connaître le visage, la voix, ça arrive aussi. Donc voilà, mais notre ami Lionel qui le connaît pas, qui connaît pas Lionel. Je suis un vieux de la vieille, quoi. Lionel, c'est voilà. C'est notre voix du dimanche matin. Dimanche matin, il fait partie des murs. Ah, j'ai commencé le mardi matin, mon émission. Lionel était là le mardi matin à l'époque, il était là le vendredi soir, il était là le samedi. Oui, machin de foot. Non, quand j'étais là le vendredi, j'étais plus là le. T'étais déjà plus là, mais le bon. Le mercredi. D'accord. Non, le mardi. Le mardi. Mais avant, tu faisais le vendredi, tu faisais le samedi. Le samedi plus la technique. Oui, la technique, mais t'étais là et le dimanche matin. Il va falloir qu'on fasse un historique de tout ça, quand même. Hein. Un jour, ça serait intéressant de retrouver tous les anciens animateurs. Ah, oui. On l'a déjà dit, on l'a dit. C'est pas évident. Faire un petit pot d'amitié avec eux, oui, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, on va s'y mettre et on lancera un petit appel comme ça à la radio pour tous les gens qui veulent, qui se souviennent de la radio. Voilà, se retrouver tous autour d'un pot. Chacun participe. Chacun participe à sa. Pas que ce soit la radio, mais que chaque. Un petit pot d'honneur, c'est pas. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Par contre, ce qu'il faut, c'est mettre en place. Voilà. Donc là, on va poursuivre. On va écouter un petit peu de musique, là. Puis après, on reviendra sur notre bal. Donc là, on va écouter. C'est Agatha. Ta bonito. Allez, on écoute Agatha. Ta bonito. Hoje vou ao baile do amor. O meu santo me mandou para encontrar o meu pai. Sempre um final

nesta pandemia. Só quer sair de casa, não aguenta mais. Ela anda toda em brasa, com esta grande moda. Ela vai aproveitar, é no topo que ela vai desconfinar. Diz ela que à frente é grande a sensação. Adora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. É tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás. Sozinha ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás. Sozinha ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Para frente, tuk-tuk para trás. Sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk para frente, tuk-tuk para trás. Sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk para frente, tuk-tuk para trás. Sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás. Sozinho ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Tuk-tuk para a frente, esta moda é que está a dar. Tuk-tuk todo dia, toda noite, sem parar. Logo à primeira ficou maluca por mim. Já no Rocio foi uma inglesa que até desgalha, ai também ficou assim. E agora dizem sou amor da sua vida. Não são nada prometidas no tamanho da paixão. Também lhe pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sem dizer je t'aime, I love you. Por mais pouco, sem dizer je t'aime, I love you. Tomates bambu, tomates bambu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tomates bambu, tomates bambu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Tomates bambu, tomates bambu. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you. Tomates bambu, sem dizer je t'aime, I love you. Tomates bambu, tomates bambu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Tomates bambu, tomates bambu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Tomates bambu, tomates bambu. Tomates, tomates, tomates bambu. Mas sem rir, je t'aime, oh baby, I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Say dizer, je t'aime. I love you. Too much for you. Too much for you. Say dizer, je t'aime. I love you. Too much for you. Too much for you. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Too much for you. Too much for you. E o turismo com certeza oui, c'était Edouard Santa et Anna, Too Much, beaucoup. Et donc voilà, je retrouve mes deux alcooliques là, qui sont à côté, qui font, voilà, qui n'arrêtent pas de faire des signes. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, voilà. Donc là, vous pouvez, vous êtes à l'antenne, vous pouvez y aller, vous pouvez parler, hein. Alors, je sais pas, je t'entends mal là, Sylvia. C'est ouais. Le rouge. Ouais, donc non, Sylvia, alors excusez-moi. Vas-y, Sylvia. Non, Sylvia. Ah oui, attendez. Vas-y là, Sylvia. Bonjour. Voilà, c'est mieux là, c'est mieux, voilà. Donc, j'avais pas remonté le bon bouton. Donc voilà, nous retrouvons Lionel et Sylvia là qui, je sais pas depuis tout à l'heure, ils me font des grands signes. Je sais pas ce qu'ils veulent en fin de compte. Nous voulons juste te dire que ce serait bien qu'on parle du site internet de la radio, de ce que nous apporte ce site. Bien sûr. Donc voilà, tu peux en parler. Si vous êtes une entreprise et si vous voulez faire de la publicité, connaître. Tout à fait, la publicité. Donc téléphoner à Radio Arc-en-Ciel. Téléphoner à Radio Arc-en-Ciel ou alors envoyer un mail à Arc-en-Ciel pour faire votre demande et on peut vous envoyer les tarifs et puis tout ce qu'il faut. Alors à savoir que ce site, il est tenu par une, on peut dire une société quoi. On peut dire que une entreprise extérieure qui nous a fait le site et qui le suit quoi. Donc c'est lui qui met en place les pubs tout ça. Donc pour ça vous nous faites parvenir à nous et nous on retransmet à la personne et puis voilà. Alors déjà faut donner l'adresse du site. Donc Sylvia. Oh, ça y est. De toute façon je savais bien que c'était pour moi. Tu peux la donner s'il te plaît parce que là je vois pas bien d'ici. Moi je. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est le site qu'on voit là-bas, www.radio-arc-en-ciel.fr. C'est tout à fait ça. Donc voilà, vous allez voir, c'est. D'ailleurs, dessus, on peut retrouver toutes les émissions avec les horaires. Et d'ailleurs, vous verrez dessus, vous trouverez les portraits. Photos. Voilà. Les portraits des animateurs. Les animateurs. Ouais, tous les animateurs ont leurs photos dessus avec les horaires de leur programme, le jour et les horaires. Et puis bien sûr aussi, ça sert aussi à les événements quand Radio Arc-en-Ciel organise des événements, ça passe aussi sur le site. Tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Sympa, Je t'entends pas. Oui. C'est un site qui a beaucoup évolué parce qu'effectivement on a un petit peu changé le site. Il est devenu un peu plus moderne. Hein, et puis dessus, on peut avoir tous les accès, que ce soit. Oui, il a à peu près un an, oui. Peut-être un peu plus d'un an. Il a été fait pendant pendant le Covid, quoi. Donc, il existait déjà, mais bon, il était dépassé, il n'était pas. Et vous pouvez écouter Radio Arc-en-Ciel. Et on peut écouter en direct, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est là qu'on a le meilleur son. Oui, parce que bon, à savoir que nous, ici, sur la FM, on peut nous écouter sur une quarantaine de kilomètres à la ronde, je crois. Un peu. 60. Ça dépend de si c'est au nord, à l'est, à l'ouest, voilà, au sud, voilà, c'est ça. Mais bon, une moyenne de 40 km. Par contre, sur le site internet, vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Oui, puis en plus dessus, vous avez les accès pour Facebook et Instagram, et juste à cliquer même dessus. Pour les messages, les émissions, les tout à fait. Donc, c'est important de le signaler. Donc voilà. Si vous êtes une entreprise, vous voulez vous faire connaître, faire du buzz avec votre entreprise. Hein. Oui, bien sûr, pour les entrepreneurs qui peuvent mettre leur logo avec tous les renseignements de leur entreprise. Voilà, on le fait. D'ailleurs, il y a déjà. Même si on nous écoute au Portugal, parce qu'on parle souvent de, ils peuvent faire leur pub aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est de toute façon. Voilà, vous me disez là, je vous entends. J'ai un message comme quoi on n'entend pas Lionel. Non, mais ça y est, c'est bon. Normalement, on doit l'entendre maintenant. On l'entendait de loin. J'avais coupé le siffle. Ouais, j'avais coupé le son parce que voilà, comme depuis tout à l'heure. Après, il s'étonne qu'on le taquine. Attends, les gens, il y a tellement de boutons ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutons et je suis pas habitué à travailler avec. Alors, faut pas faire des invités. Gens, parce que justement, on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se joindre à nous en tant qu'animateurs. Tout à fait, il y a encore nous des places. Des créneaux qui des sont créneaux. Différents et vous pouvez venir et je vous assure. Alors, on recherche des sponsors, on recherche des animateurs, on recherche des adhérents. Radio Arc-en-Ciel en ce moment, on recherche plein de gens. C'est une société en plein milieu. Voilà. Et c'est vrai. Non mais c'est là, bon non, signe, soyons sérieux. Oui, bien sûr, pour les gens qui veulent, qui ont un projet d'animation, voilà, ils seront les bienvenus. Ils viennent nous voir avec un projet et après, on essaie de trouver un créneau convient à tous les retraités qu'il y a. Oui, on est. On n'est pas tant que ça comme retraités quand même. Hein. N'est-ce pas, les retraités, ils ont beaucoup plus de temps que les autres. Voilà. Enfin, je suis moins sûr que ça, mais bon. Mais donc voilà, non, les gens, voilà, s'il y a justement, on en profite pour lancer le message. Si vous êtes voilà fan de la radio, vous avez envie de faire une émission. Si vous aimez la musique, si vous aimez la musique tout simplement, exactement, oui, tout voilà. Simplement. Venez nous voir. Partager. Au 266 Faubourg Bagné, hein, faut à Saint-Jean-de-Bray. Donc venez nous voir. Après, vous pouvez aussi nous appeler. Alors il y a le numéro de téléphone de 0238 43 48 00. Celui-là, on voilà. Et puis il y a aussi, il y a le, ça c'est chez les animateurs, celui-là que vous avez donné, mais il y a le administratif. Ouais, surtout maintenant on a une secrétaire depuis. Normalement on a une secrétaire maintenant, qu'il y aura du monde pour vous répondre. Oui voilà, maintenant vous pouvez appeler la radio. Normalement tous les jours de la semaine il y a quelqu'un qui vous répondra au 02 38 43 50 09. Ça, voilà. Donc, vous pouvez appeler à partir de 9h. Hein, c'est de 9h le matin. D'ailleurs, on lui souhaite la bienvenue. Et tout à fait. Donc, voilà. Et aussi, surtout, alors, on en revient. On parlait tout à l'heure pour les gens qui veulent devenir adhérents. Donc, ça, on en a besoin aussi. Parce on que en a besoin. C'est ça qui fait vivre. C'est l'âme de l'association. Ouais. C'est les adhérents. Tout à fait. Et alors, comment faire pour devenir adhérent? Alors, comment faire si, tout simplement. À part le jour du bal, qu'on peut aussi devenir adhérent ce jour-là, comment faire durant les autres jours. Vous pouvez vous déplacer, c'est bien de venir dans les studios, vous emmenez soit un chèque et en espèces, voilà, 20 euros. Un chèque, c'est très bien, il y a les traces, le nom. Ouais. Mais on fait un reçu, hein. De toute façon, ouais. Voilà, on vous fait un reçu. On vous fait, donc vous venez avec 20 euros, vous venez nous voir. Alors, maintenant, il y a la secrétaire, vous venez voir la secrétaire, elle vous fera un reçu et une carte d'adhérent. Et vous repartez avec votre peut-être carte. Peut-être pas le reçu le même jour, ça dépend. Si, bon. Si, si y a la secrétaire, elle est là, oui. Si la secrétaire, elle est là, elle peut faire le reçu, ouais. Et la carte. Voilà. Sinon, si vous voulez pas vous déplacer ou vous avez pas le temps ou passer en dehors des heures où il y a personne, vous mettez dans la boîte à lettres, dans une enveloppe fermée, en gros, votre nom, votre adresse, et ça vous sera envoyé chez vous. Vous l'envoyez tout simplement à l'adresse 266 Faubourg Bagné, 45 400 Fleury les Aubrais. Donc voilà, pour devenir adhérent. Plus d'excuses pour ne pas être adhérent. Tout à fait, il y a plein de solutions pour devenir adhérent dans Radio-Arc-en-Ciel. Il y a un moment, on voulait mettre un site sur notre site, hein, vous aurez pu adhérer. Le paiement automatique. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant. Mais je crois qu'il est, il est en place, mais on n'en parle pas assez. Je crois qu'il a été. Ouais. On a fait les démarches à l'époque, justement, même pour des paiements, pour des dons, aussi pour des dons. On va faire des recherches là-dessus, on va se renseigner un peu mieux. Non, pour l'instant, c'est pas actif. C'est pas actif, oui, encore. Je pense donc, pas, voilà. Hein, non, mais le mieux, c'est de venir ici dans nos studios, ça vous permettra aussi de voir nos studios, voilà, ou demain aussi, vous pouvez le faire aussi demain, hein. Les gens qui veulent demain, donner un adhérent, demain, c'est possible, hein. Il y aura ce qu'il faut. On dit demain, parce que demain, c'est la grande soirée Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de Portugais dans la région d'Orléans. Qui écoute la radio arc-en-ciel. Bah, il faut quand même savoir que nous avons des adhérents qui sont pas spécialement d'Orléans. Nous en avons même de Suisse, du Portugal. Il y en a un peu de partout, hein. Voilà, beaucoup qui deviennent adhérents parce qu'ils malgré écoutent, qu'on en a pas assez à notre goût, hein. On en a jamais assez. On en a jamais assez, mais c'est bon. Jamais trop. C'est ce que je dis. Nous, ça nous encourage parce que voilà, déjà, ça nous aide, mais ça nous encourage de voir que vous soutenez la radio, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous des bénévoles ici. On est tous des bénévoles. Donc voilà le petit geste que vous pouvez faire là, ouais, ça nous encourage. Surtout, ça fait plaisir de voir quand les gens ils nous disent qu'ils nous écoutent. C'est vrai quelque part en échange, ça nous fait tout aussi bien plaisir quand on devient adhérent parce que c'est un peu comme un lien qu'on se crée entre nous aussi. C'est aussi un lien et c'est vrai que c'est important parce que la radio elle a besoin d'être connue, elle a besoin qu'on partage. Et là, c'est comme demain le bal et puis comme il y en aura d'autres. Hein, C'est-à-dire quand on fait par exemple un bal. Tout l'argent vient à l'association parce que il y a des balles qui se passent ailleurs que c'est pour la poche de celui qui organise. Oui. Là c'est pour la radio, c'est oui, pour parce l'association. Il faut savoir que la radio elle a des factures comme toute autre entreprise. On n'est pas une entreprise, on est une association, mais on a des factures à payer et on a besoin de ça pour faire subvenir les besoins de la radio. Il faut aider les associations pour que ce qu'on donne c'est du gratuit. Tout à fait. Alors, faut savoir quand même que nous, on le donne. Enfin, moi, je parle pour nous trois ici parce que je sais. On le donne avec beaucoup de plaisir parce que c'est aussi un plaisir d'être là et de partager notre savoir et de notre temps pour la radio. Parce que c'est vrai, quand on vient, c'est un peu comme une famille. On a créé comme une famille et ça nous donne envie de venir. Ça nous fait sortir de notre quotidien aussi. Et moi, ce que je tiens à cœur dans cette association, c'est que je peux m'exprimer en portugais. Là, c'est pas le cas parce que. Et ton bam, je vais commencer à parler en portugais. Non, mais vous deux, voilà, que ce soit toi, Lionel, ou puis Sylvia, vous parlez très bien. On peut très bien continuer en français. C'est pas moi, mon voilà. Nos auditeurs, non, c'est pas... voilà. Vous pouvez. C'est plus pour moi. Je m'exprime plus en portugais parce que je me voilà. Je m'exprime mieux. Excusez-moi. Je m'exprime mieux en français qu'en portugais. Mais je comprends le portugais. Dans mon émission, pratiquement, je parle toujours le portugais. Donc ça me. Mas também é assim, as pessoas falam muito em português nas famílias, em casa, talvez menos por fora. Mas quando se escuta a rádio, também é bom ouvir falar em português porque nos dá aquela... Mata aquela saudade. Sim, exato, mata aquela saudade. E outro dia houve uma senhora que me telefonou que me disse, olha, eu gosto de ouvir falar porque é assim, quando vocês falam em português, a nós também nos permite de continuar a ouvir a língua portuguesa. E continuar a manter a nossa língua, mesmo os jovens, por isso... Temos que continuar, mas todos podemos falar os dois. Mas é verdade que eu pessoalmente prefiro falar em português. Eu também estou mais à vontade no micro português que no francês. Embora o meu português já não é aquele português, porque eu já estou aqui há 50 e tal anos em França. O português não é aquele português atualizado como devia de ser por vezes. Olha, mas Lionel, também é isso, a Rádio Arconcel também é isso. Cada qual vem com o seu saber, com a sua maneira de ser. Não há aquelas coisa de julgar ou de fazer... Fazemos do nosso melhor, fazemos o máximo que nós podemos. Mas eu atualmente estou mais em Portugal. Tenho estado muito tempo em Portugal e é verdade que o português que a gente fala aqui e que se fala totalmente em Portugal diferente. É totalmente diferente. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Há palavras que a gente já não consegue. Como se costuma dizer, já não atinamos parce que on le pratique voilà comme donc à moi quoi, je le pratique même chez nous maintenant, faut dire ce qui est vrai. On parle tous en français avec nos enfants, tout ça. Avant avec nos parents, on parlait le portugais. Olha, aliás, é engraçado porque estamos pronto, uma pessoa conversa muitas vezes em família ou entre amigos e nós as mulheres temos o hábito de dizer que os miúdos quando nos ouvem a falar em português, não é bom sinal. Ouais, c'est alors voilà quand tu non, mais bon signal. Parce qu'ils comprennent rien et puis c'est que c'est pas bon pour eux. Donc, souvent c'est ça. Alors, vous pouvez appeler chez vous, c'est la même chose ou pas hein. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. Justement. Non mais c'est très très important De faire découvrir, voilà, continuer à faire découvrir, à pratiquer notre langue. Je me rends compte aujourd'hui, c'est très très important de garder ce truc qu'on a, ce lien de la langue portugaise. Même pour nos enfants. Moi, je vois mes enfants, c'est pas, ils ont appris par eux-mêmes. Ils ont appris par eux-mêmes avec les cousins en vacances, des trucs comme ça. Comme la plupart des gens, quoi. Et les petits-enfants qui suivent, c'est. C'est très important de. Il faut savoir. C'est un acquis. La langue portugaise, je crois qu'elle est la troisième ou quatrième langue mondiale. Quatrième, si je me trompe pas, à vérifier. Mais bon, c'est une langue quand même qui est bien connue et parlée dans le monde entier. Donc on va continuer avec une chanson qui a été demandée par notre ami Jérôme que tout le monde connaît, hein, un fidèle auditeur qui nous appelle pratiquement dans tous les gens dans les émissions. Aliás, estamos a falar em português, é qualquer coisa que eu adoro quando o Jérôme telefona, porque ele fala sempre em português. Eu respondo-lhe em português e ele fala sempre em português. Portanto, parabéns, Jérôme. Falas muito bem em português. Voilà, donc on en profite pour lui passer un petit bonjour. Et donc voilà, il nous a appelé pour nous demander de passer la chanson de Irmãos Verdade. C'est bien ça, corrigez-moi. Irmãos Verdade. Et c'est le titre, c'est Isabelle. Donc voilà, il a dédié à sa maman, bien sûr, à Lionel, à Sylvia et à moi, et à Christine. Donc voilà, on le remercie et on l'embrasse. Donc on écoute aux Irmãos Verdade, Isabelle. Et demain, vous pouvez les applaudir. Et demain, vous pouvez venir les voir en direct. Vous pouvez venir les voir en direct. Allez, c'est parti. Por isso quero estar contigo aqui. Foste o calor da minha paixão, que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens um abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. És amor, és vida, és meu respirar, és o meu desejo. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Por isso quero estar contigo a toda hora. Estás perto, meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Thank you. c'était George Floyd au Voltoreille. Et on continue avec Richard Matz, Trick Trick. A mulherada anda doida da cabeça. Querem curtir, querem sair, querem dançar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e pro café se emborrachar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e pro café se emborrachar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo. É trigo, trigo toda a noite sem parar. Toda a semana trabalham, cuidam da casa. E ainda sobra muita lenha para queimar. Elas estão cada vez mais cheias de bravo. E querem bater as asas, querem curtir e dançar. Elas estão cada vez mais cheias de bravo. E querem bater as asas, querem curtir e dançar. A linha quando canta, quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. Et oui, c'était Richard Matz, Trick Trick. Et là, on continue avec Nemanus et s'est demandé de Maria pour son mari et tout le personnel, tous les gens de la radio. Donc voilà, on l'embrasse si on lui souhaite un bon week-end. Et on espère l'avoir demain à Saint-Jean-de-Blanc pour notre grand événement du 5 novembre avec Radio Arc-en-Ciel. Donc on écoute Nemanus, Je t'aime, et c'est de Maria pour son mari. Nem a distância consegue por mim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti. Vai ficar em mim. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.

Eh oui, João Claro, antes de te encontrar. Très jolie musique, et ça change un petit peu de ces musiques qu'il fait d'habitude, qui sont très bien aussi, mais celle-là, franchement, je l'aime bien, cette chanson. Et là, on poursuit avec Capa Negra, Sempre a Bombar. Alors, bien sûr, Capa Negra, qui sera là demain pour animer le bal avec Radio Arc-en-Ciel à la salle Montisson à Saint-Jean-de-Blanc à partir de 21h. Capa Negra, Sempre a Bombar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar este balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa, até o amanhecer. Agora só nos resta vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa, até o amanhecer. Agora só nos resta começar. Minha vida meio perdida. gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, um olhar em segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. É mais verdadeiro, e o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Pão de trigo e linguiça para a merenda. sempre dá para enganar a saudade. Tudo o que eu sempre sonhei. Já disse para mim, chega, acabou. E sabes que mais? Eu já não te amo. Sabes o que é que eu acho? Acho que nunca amaste. luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma pé, mas bugando a vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leve. Voilà, l'émission, mon émission arrive à sa fin. Donc je vais vous laisser juste après avec l'émission Mavrika et avec bien sûr votre animateur Albino. Pour ma part, je vous dis pas à vendredi prochain parce que c'est férié, c'est le 11, mais je vous donne rendez-vous pour le 18, si je me trompe pas, le vendredi 18 à la même heure, de 17h à 19h. Mais en attendant, n'oubliez pas demain, à partir de 21h à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, un grand bal organisé par Radio Arc-en-Ciel pour son anniversaire, bien sûr, et on aura avec nous aux Irmãos Verdade ainsi que Capa Negra. Donc venez nombreux, venez en famille, et à partir de 21h. Donc n'oubliez pas, soyez présents, on compte sur vous. Et juste après, on va poursuivre avec... Alors après, il y aura un petit peu de pub, et juste après, il y aura justement une chanson d'Os Irmãos Verdades, et ça sera Yolanda. Et je la dédie à mon ami qui m'écoute souvent dès qu'il le peut, c'est Jean-Manuel. Je suis sûr qu'il doit être à l'écoute, donc voilà, je sais qu'il sera là aussi demain. Donc je le remercie par ces petits messages qu'il nous envoie de temps en temps. Ça nous fait toujours plaisir comme ça de recevoir des messages, des gens pour nous encourager, pour dire voilà, faut continuer comme ça, continuer à passer de la musique. D'ailleurs, nous on le fait avec grand plaisir. Et si on sait que ça vous fait plaisir aussi à vous, automatiquement, nous, ça nous fait plaisir. Donc voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour le 18 novembre, pour l'émission Découverte. Mais je vous donne surtout rendez-vous demain, à partir de 21h, à la salle Montition. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et à demain pour ceux que je verrai.